mère les boîtes de nuit. Moi je suis pas un gars de la nage, je préfère les bécanes, la violence et le free fight. Mes frères de la rue se prennent pour tout pack. Se croient en tête, bah je vous attends que ça. 307 et de la caisse. Mais fais attention, y'en a d'autres avec de la bonne intention. Gauchy City, sans se sont fait les tests de mesure. On y craint, t'inquiète, on est là au début de la vraie blanche. En aspiration, arrive comme une avalanche. On parle de quoi? On parle de moi et ma cité. Et qu'on a un fond dans la tête, on vient te le citer. On fait du rap avec nos potes, belle bastos, papa. Tout droit sorti d'un gun, moi et mes sens, on vient représenter le bloc. En attitude, on a l'habitude. J'ai des A, j'ai des B, depuis tant d'années. Je rappe pour mes condamnés, frappe pour enfin gagner. Faut bien débarquer. Garde mes pieds sur terre, pas comme certains qui font la grosse commerce. Studio du bled, production, bientôt la mixtape. Sans expression, je suis comme un tigre blanc avec le regard méchant et le profil méduisant. J'ai jamais été au Bataclan, mon rap c'est comme un Big Bang qui explose comme la bombe Hiroshima. Je suis aussi chauffant que du maglo. Je suis pas un mec chelou parce que je suis trop un fou. Je suis pas un psychopathe car mes sons que tu as coup d'âge. Alors ne dis jamais jamais car les pires choses de ta vie peuvent t'arriver. On kiffe le shit et les fesses. Si tu veux du test, nous on te baise. Et ouais, ce son c'est pour la mixtape. Ok, MC balance, vas-y suis la cadence. Le rap c'est ma passion, pour rappeler j'ai ma façon. Entendre mes is c'est la panique, entendre mes sons là c'est trop bon. On vient représenter OCB Gauchy City. Si t'inquiète, freestyle Moody, freestyle Silpo, Mr. J Kaolas. MC pousse le son et tu te passes.